Bienvenue à Futur Simple. Tout le monde peut faire de la science et il n'y a pas d'âge pour bricoler, laisser aller son imagination, patenter des machines. C'est un peu le pari que fait la Coupe de Science en invitant des étudiants du secondaire et du cégep à participer à un défi de science et génie. Alors, pour nous en parler de cette Coupe de Science, nous recevons deux membres du comité organisateur, enfin le président et la vice-présidente, Bertrand de Dorlodeau et Émilie Cloutier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que la Coupe de Science et d'où provient cette initiative? Un de vous deux. La Coupe de Science a été fondée, si je ne dis pas de bêtises, en 2008 par quelques étudiants du baccalauréat en physique à l'époque qui voulait permettre à tout le monde, ben en fait à n'importe quel étudiant du niveau secondaire et cégep qui sont pas forcément exposés à la science dans leur vie de tous les jours ou par leur milieu socio-économique ou par tout simplement leur emplacement géographique, à découvrir ce qu'on peut faire en science de façon différente à ce qui se fait dans les classes à l'école. Et est-ce qu'on voulait mettre aussi l'accent sur l'aspect ludique de la chose peut-être? Oui, c'est sûr que à la base c'est une activité qui se veut amusante. C'est vraiment de montrer, enfin honnêtement c'est toujours extrêmement bien perçu par tout le monde, tous les participants, tout le monde ressort avec le sourire, avec une excellente expérience. L'idée à la base c'est quand même de passer une journée ou une soirée avec quatre amis à trouver des solutions à des défis, à construire, à, comme vous dites, à patenter quelque chose. Ah, et d'avoir du plaisir à le faire. Là, et tout à fait, tout à fait. Parce que la science, ça peut être, je veux dire, ça peut être perçu souvent comme quelque chose de très sérieux, mais souvent, ça peut être aussi fascinant. Là. On peut observer des phénomènes incroyables. Oui, en fait, je pense que c'était dans l'idée initiale, lorsqu'ils ont démarré le projet au tout début, c'était un peu de déconstruire cette idée très rigide de la science et de montrer que c'était en fait très facile, très créatif c'est et ça. Très ludique. Et que c'est pas rien qu'austère. Là. On Exactement. Peut avoir beaucoup de plaisir à tout le faire. Tout à fait. Ah, oui, c'était dans les objectifs. Là. Et qui organise l'événement à chaque année? Des étudiants de la faculté de sciences et génie. On est 12 personnes sur l'exécutif. Alors, c'est sûr que pendant l'événement, on est épaulé par 60 et 100 bénévoles, également issus principalement de sciences et génie, mais aussi d'autres facultés, enfin des étudiants universitaires de toute façon. Et donc, c'est tous ensemble qu'on invite les jeunes du secondaire et du cégep, quand même à peu près 600 participants qui viennent et qu'on les guide tout au fur et à mesure de l'activité. Et quel était en fait l'objectif initial de l'événement? Et cet objectif-là, est-ce qu'il a changé au fil des ans? Parce que ça fait quand même plus, ça fait 10 ans en fait que ça existe là. Oui, donc l'objectif initial, je crois, c'est vraiment un peu comme Bertrand l'expliquait tout à l'heure, c'était de montrer que la science est accessible à tous et peut être très ludique et créative. Cet objectif a évolué donc à travers les années aussi, lorsqu'on a commencé à inviter des participants du cégep qui ont un peu plus de connaissances, un peu plus d'habileté, et puis là, ça devient un peu une compétition plus d'excellence scientifique. Mm-hmm. Donc, je dirais que l'objectif de la compétition évolue à travers la journée de la Coupe de Sciences, mais tout de même, là, l'objectif fondamental est demeuré là, à travers les années. Puis aussi, dans les projets que les étudiants veulent soumettre, ils mettent beaucoup de créativité et d'imagination aussi. Là. Oui, tout à fait. Et puis, il y a un jury à séduire. Alors, c'est vraiment c'est un fait, à ce niveau-là que les jeunes qui sont créatifs et originaux vont venir se démarquer et peut-être remporter là, le prix coup de cœur du jury. OK. Et parmi les participants, en fait, qui sont les participants? Enfin, on sait que ce sont des étudiants, mais est-ce qu'ils peuvent être de tout niveau, quoi, ou... Oui, c'est vraiment l'idée, ben, de tout niveau, ça, secondaire 5 et cégep de toute façon, mais de toute discipline, donc, pas de primaire, ça c'est certain. Pas à l'école primaire, non? Non, non, d'accord. Et pas non plus le début du secondaire. Mais à part ça, on essaye en fait d'inviter... Enfin, c'est évident que les étudiants qui sont en sciences sont intéressés par l'activité de facto, uh-huh. Mais on essaye d'aller chercher des étudiants qui viennent d'autres disciplines aussi, parce qu'on essaye de montrer... Ce qu'on essaye de montrer, c'est que la science... Bon, c'est sûr que c'est... En partie, une histoire de connaissances, de compétences. Mais les compétences sont pas forcément celles qu'on s'attend. On travaille en science quand on a des défis à résoudre en entreprise. C'est pas juste ouvrir un livre et trouver une équation. C'est aussi être capable de réfléchir sur le défi, d'avoir des bonnes idées sur comment le résoudre, d'expliquer à d'autres personnes si notre prototype, notre idée peut fonctionner, comment est-ce qu'elle fonctionnerait, si elle ne fonctionne pas, si elle n'a pas fonctionné, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Et c'est tout ça qu'on essaie de montrer à la Coupe de Science. Parce que tout tout ça, on l'apprend pas à l'école. Ça s'inscrit un petit peu dans toutes les autres activités du même genre. Il y a Expo Science, Science on tourne. C'est cette idée-là de dire la science, c'est pas juste ce qu'on voit dans les manuels scolaires, c'est beaucoup plus que ça. Puis même quelqu'un qui a pas adoré son cours de secondaire 5 de physique peut trouver son compte en science. On a besoin de gens qui sont capables de communiquer, on a besoin de gens qui sont capables de réfléchir, d'imaginer, on a aussi besoin de gens qui sont capables d'être terre à terre et de ramener les autres un petit peu au niveau de ce qu'on peut accomplir. Et ces gens-là, c'est pas forcément des gens qui sont capables de réussir les cours de physique et de science du secondaire et du cégep haut la main. Oui. Non, c'est beau, mais en fait, je remarque qu'en commençant en secondaire 5, ça veut dire que tous les participants ont déjà aussi fait de la science à l'école. Oui, mais les défis qu'on a, ce ne sont pas des défis qui peuvent être... Ben, c'est sûr que ce qu'on voit au secondaire ou au cégep peuvent être utiles, mais ça ne va pas être quelque chose qu'on aura vu directement dans un livre. On leur demande de construire des ponts, de construire des structures. Personne n'a des cours de structure. À ce moment-là, c'est vraiment, on fait appel à leur imagination, puis ils travaillent avec des modèles très simplifiés. Typiquement, ils ont des bouts de bois, un petit peu d'aluminium, ce genre de matériel, et on leur demande de construire quelque chose. Et tout le monde est capable d'accrocher deux bouts de bois ensemble avec une ficelle. Il faut juste être capable de le faire correctement, d'avoir une vision globale et de voir ce qui va tenir le mieux ou ce qui va le mieux fonctionner. Oui, c'est un fait. Mais en secondaire 5, tout le monde fait au moins un cours de science. Ben, je dis ça, mais peut-être pas nécessairement le cas non plus. Là. Oui, ben, minimalement. Là, ouais. Ils ont culture scientifique. Oui, c'est un fait. Donc, autant dit, ils ne partent pas de zéro. Non, c'est ça. Nécessairement. Ouais. Okay. Puis les défis sont conçus de sorte à un peu venir tester certaines habiletés, mais ce n'est vraiment pas l'objectif là, de la coupe. Et comment sont formées les équipes? Est-ce que vous avez à voir quelque chose là-dedans ou ce sont au niveau des institutions que ça pour ce qui est des écoles secondaires, c'est vraiment... nous, on lance l'invitation aux écoles secondaires et après ça, c'est l'enseignant qui gère ça avec sa classe. Là. Donc, j'ai l'impression que c'est surtout les élèves là, par eux-mêmes qui forment les équipes, mais l'enseignant peut venir intervenir là, dans la formation. Donc, les invitations sont envoyées aux enseignants ou aux directeurs qui les transmettent aux enseignants? Quoi? Oui, tout à fait. Donc, il y a des invitations qui partent vraiment directement de nous vers les enseignants. Ça pourrait arriver, on serait tout à fait ouvert à l'idée qu'un enseignant nous écrive pour souhaiter inscrire son équipe, mais typiquement, là, c'est plutôt le chemin inverse qui est fait, donc nous qui lance les invitations. OK. Et les équipes, est-ce qu'elles doivent se faire automatiquement dans la même classe ou ça peut être aussi le regroupement d'étudiants de quelques classes? Ça n'a aucune importance, j'imagine. On n'a pas de contraintes, nous, à ce niveau-là. Là, c'est vraiment plus au niveau de l'inscription qui se déroule dans les écoles. Là, on laisse ça entre leurs mains. Tout ça, c'est pour les écoles secondaires. Pour les cégeps, c'est une inscription qui est libre. Donc, les étudiants s'inscrivent par eux-mêmes. Encore une fois, aucune contrainte au niveau de la composition des équipes. Et même souvent, on a des équipes qui sont très hétéroclites, donc des amis, mais qui n'ont pas tous forcément été en sciences. Des gens en théâtre, en sciences policières. C'est le genre de personnes qu'on a déjà vues à la Coupe des sciences ces dernières années. Et typiquement, ce sont ce genre d'équipes hétéroclites. Ce sont des équipes qui réussissent très, très bien. Parce que c'est ça, encore une fois, le but des défis à la coupe, c'est ça, c'est de dire que la multidisciplinarité, c'est avoir des gens, comme je l'ai dit auparavant, des gens qui terre à terre, des gens qui sont un petit peu plus dans les nuages, des gens qui ont de l'imagination, des gens qui sont doués avec leurs mains. Ce ne sont pas des compétences spécifiques aux gens qui sont en sciences. Non, mais ils peuvent tous contribuer de leur propre façon, finalement. Là. Tout à fait. C'est ça, selon leur force. Alors, j'imagine que pour les cégeps, la seule contrainte, c'est des étudiants du même cégep. Est-ce qu'il pourrait y avoir des mélanges de cégep aussi? Même à ça, il pourrait y avoir tout à fait des mélanges de cégep. Donc, vous êtes ouvert à ça aussi. Là. Oui. D'accord. Et comment s'opère le déroulement de la coupe, finalement, dont vous envoyez les invitations? Finalement, les équipes se forment, j'imagine? Oui. Et elles répondent à votre lettre? Oui. Donc, à partir de ce moment-là, on entame le processus d'inscription et on les revoit le jour de la coupe. Et puis là, donc, lorsque les participants arrivent, ils sont invités à prendre place dans une salle où on leur présente des problématiques. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils sont au courant des défis qu'ils vont devoir résoudre. Ils l'apprennent en même temps que tout le monde. C'est à ce moment-là qu'on leur présente les quelques règlements, le matériel qui sera à leur disposition. Et puis là, à ce moment-là, le chrono s'enclenche. Et là, c'est parti. Ils doivent résoudre les problèmes avec le matériel qui leur est attribué. OK. Moi, je pensais qu'ils devaient soumettre un projet. C'est pas le cas du tout. Non, c'est pas le cas. Ils arrivent... Oui. On leur fournit des problématiques là, absolument incroyables, du matériel, et ils doivent fournir une solution à ces problèmes-là. Et puis, justement, les meilleures solutions remporteront des prix. Et ça dure une journée, c'est ça? Ça dure, en fait... Ben, une fin de semaine? Ça dépend des si on est un participant d'une école secondaire ou d'un cégep. Donc, d'une école secondaire, ça dure la journée. En matinée, c'est la phase de conception. Et en après-midi, c'est la phase plus d'évaluation où on teste les prototypes et on les évalue. D'accord. Donc, ça, c'est pour les participants des écoles secondaires. Pour ce qui est des cégeps, c'est une soirée. Donc, okay. Les participants arrivent vers... vers 16h30. Oui. Puis, à la même manière que les participants de l'école secondaire vont s'installer dans la salle, vont être mis au fait de la problématique et vont devoir résoudre puis présenter leur prototype. Et l'événement se produit la même journée pour les cégeps et les écoles secondaires ou c'est deux journées différentes? On a un total de 5 compétitions. On a 6 compétitions, pardon. On a 4 compétitions pour le secondaire, donc 4 journées différentes. D'accord. Et parmi ces 4 journées, il y a 2 soirées qui sont destinées pour les étudiants du cégep. D'accord, je comprends. J'ai une petite question aussi. Est-ce qu'on peut savoir, par exemple, des exemples de défis qui ont été posés les années précédentes? Oui, alors c'est vraiment extrêmement varié. C'est sûr qu'on a, toujours des défis de conception plus concrètes, pour construction de bateaux, construction de ponts, construction de tunnels. Construction de barrages, donc vraiment de la construction. Qui après ça, on peut voir à quel point il résiste. Mais on a aussi des défis issus de branches un petit peu plus spécifiques de la science, des défis d'optimisation qu'on a déjà eu. Donc face à un certain nombre de données, est-ce qu'on est capable de trouver la meilleure solution mathématique quasiment? Des défis de découverte, d'analyse d'ossements par exemple à partir du microscope. Donc voilà, on donne un os avec des traces de dents ou le contenu d'un estomac qu'il faut analyser, bon, fossiliser tout ça. Et il faut voir bon de quelle plante a été mangée par exemple. Si on connaît les années où ces plantes-là existaient sur le continent en question, on est capable de déterminer quand l'animal est mort. C'est le genre de choses qu'on peut demander. Donc vraiment plein de défis différents issus de tous les domaines de la science possible pour essayer, encore une fois, d'initier les participants à tout ce qui est possible de faire en science. Et qui sont les juges, en fait, qui évaluent, en fait, les performances des participants? Les juges ont des provenances variées, donc ça peut être des enseignants du département de la Faculté de sciences et génie de l'Université Laval. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent à l'administration à l'université, donc c'est souvent issu de l'université. Uh-huh. Ça peut être aussi des professionnels qui viennent de l'industrie. Donc, parfois, c'est vraiment des personnes qui travaillent en recherche et développement chez une entreprise, souvent commanditaires de la coupe. Et qui s'impliquent. Et qui viennent s'impliquer et évaluer les prototypes. Et en fait, sur quels critères sont jugés les compétiteurs? Ils sont jugés, d'abord, formellement, là, il y a une évaluation strictement sur les performances du prototype. Okay. Par exemple, en passé, les participants devaient construire l'extrémité, devaient vraiment concevoir l'extrémité d'un trébuchet. Et donc, plus la balle insérée dans cette extrémité-là atteignait une longueur qui était élevée, eh bien, plus il y avait de points. Donc, ça, c'était très simple. C'était un critère. C'était ça, le critère. Là. Exactement. Mais par la suite, les participants doivent vendre leur prototype au jury. Alors, il y a beaucoup de points qui sont attribués aussi à ce niveau-là, au niveau de la communication, de la transmission, des idées de conception. Donc, il y a des points qui sont alloués à ce niveau-là aussi. Et est-ce que les critères d'évaluation sont soumis aux participants ou ils le savent au début. On leur dit, voilà, on a un problème très spécifique. Ce qu'on cherche à faire, c'est ceci. Voici le matériel que vous avez. Et à partir de ce moment-là, ils sont lancés. Un petit peu comme une vraie problématique en industrie où... Enfin, souvent, on les met devant des situations un petit peu plus extrêmes. Pandémie, éruption volcanique, fin du monde, un peu tout ça. Donc, on peut avoir de l'eau à filtrer, par exemple, et on leur dit, bon, il faut que l'eau soit la plus pure possible. Dans le cas de la catapulte, c'est le cas aussi, on veut lancer un projectile le plus loin possible. Ils le savent, et il faut qu'ils construisent la meilleure cuillère pour être capable d'envoyer ce prototype le plus loin possible. Et que gagne l'équipe gagnante? C'est quoi le prix? Ah, ça dépend d'une année à l'autre. Généralement, il y a toujours un montant en argent qui est attribué. Il peut y avoir aussi des abonnements à des magazines, des billets d'entrée pour des établissements scientifiques, Centre des sciences de Montréal, par exemple, Biodôme, ce genre de choses. Pour promouvoir la science. Voilà, tout à fait. On a parfois des prix, pas forcément pour les gagnants, mais on offre il y a vraiment de tout. Une année, par exemple, il y avait une thématique d'épidémie mondiale qu'il fallait enrayer. Ben, on offrait des exemplaires du jeu Pandémie, ce genre de choses. Okay, donc, on y va avec la thématique de la coupe aussi. Et les prix sont assez variés. Et il semblerait qu'il y a aussi un étudiant qui accompagne chaque équipe. C'est le cas? Généralement, c'est ce qu'on essaie de faire, oui, pour les guider, tout simplement, s'assurer qu'ils respectent les consignes. Qu'est-ce que ça lui rapporte, en fait, à cet étudiant-là? C'est une belle expérience, mais ça rapporte surtout beaucoup aux participants qui ont un mentor, en fait, à qui ils peuvent adresser des questions, non seulement sur les défis de conception, mais aussi des questions plus personnelles, sur son cheminement, sur ce qui l'a amené à étudier dans son domaine. Donc, les étudiants ont un rôle très, très varié et intéressant à ce niveau-là, de transmission de connaissances, mais aussi de mentorat. Mm-hmm. Ben, c'est vraiment très intéressant. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Ou, hein? Moi, j'ai une question aussi. Oui, j'aimerais savoir, je crois, Bertrand, tu as participé déjà à la Coupe de sciences en tant que participant quand tu étais au Cégep. Mm-hmm. Donc, j'aimerais savoir comment tu as vécu ça, qu'est-ce que ça apporte aux participants de vivre cette expérience? Honnêtement, en tant que participant, j'ai adoré l'activité. C'est d'ailleurs pour ça, en partie, que je suis là avec vous aujourd'hui. C'est très enrichissant. C'est une façon très différente de voir la science de l'intérieur. Enfin, en tant que participant, c'est ce qu'on ressent, puis c'est le but aussi de l'activité. Donc ça, c'est encourageant. C'est une excellente soirée à passer, c'est sûr. Est-ce que ça m'a encouragé à aller en science plus tard? C'est une excellente question. Honnêtement, je ne m'en souviens pas. Mais c'est sûr que ça donne un aperçu. Puis aussi avoir tous ces étudiants de l'université qui sont là, avec qui on peut parler, voir c'est quoi leur parcours. Ça donne une idée, ça donne une meilleure idée de ce que c'est la vie d'un étudiant universitaire aussi, ce qui peut être très flou pour un étudiant au secondaire et au cégep. Et ça donne envie. Ça donne envie d'aller là-bas, puis d'en apprendre plus, mais aussi de s'impliquer dans ce genre d'activité. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc effectivement, j'ai participé 2 années. On n'a pas gagné, on a gagné le prix du jury la première année. Donc voilà, on était contents. C'est pour ça qu'on a participé la deuxième. Ça a moins bien marché la deuxième année. Mais on s'est quand même très bien amusé. Et après ça, bon, j'ai été bénévole pendant 2 ans. Et je suis rentré sur le comité exécutif organisateur l'année suivante. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis sur le comité organisateur. Et est-ce que vous faites un suivi auprès des participants pour savoir effectivement s'ils vont faire des carrières en sciences ou pas? Non, on ne fait pas de suivi à ce niveau-là. Puis je pense que, évidemment qu'on est content lorsqu'on apprend que certains des participants ont été motivés à poursuivre des carrières en sciences, mais c'est pas du tout le but. Si on a juste pu susciter l'intérêt pour la science de quelqu'un qui ne travaillera pas dans ce domaine-là, mais quand même qui va être un citoyen, éveillé, qui sera éveillé à certaines problématiques, et puis juste ça remplit notre mission. Mm. Oui. Alors, merci à vous deux, Bertrand de Dorledeau et Émilie Cloutier. On vous souhaite une belle coupe de sciences à vous et à tous les participants qui viendront relever le défi. Merci. Merci beaucoup. En fait, peut-être pour conclure aussi, juste dire où est-ce qu'on peut trouver l'information si des gens veulent s'inscrire ou veulent participer et quand elle aura lieu, au fait, cette Coupe de sciences? Oui, nous avons un site web, donc coupedesciences.com, et nous sommes présentement en pleine période d'inscription pour les étudiants du cégep. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait participer à cette activité-là, n'hésitez pas à lui en parler. Là, nous sommes en pleine période d'inscription. C'est le moment d'aller s'inscrire sur le site web. Et l'activité pour les cégeps a lieu le 12 et 13 février prochain. Donc, effectivement, c'est de 16h30 à 22h30 environ pour les cégeps. Alors, en parlant de défis, il y en a un qui s'opère grandeur nature à la surface de la Terre, celui des espèces animales et végétales à s'adapter au changement climatique. Restez avec nous, on en parle avec le professeur Cyril Barrette.